Chapitre 14e. Enfin, dit Adolphe, quand les voix se turent dans le jardin. Monsieur Harold nous prend pour des curieux qui veulent contempler sa célébrité, répliqua Juliette, et il trouve qu'il est bien bon de se déranger pour nous. Ses visites ne sont ni agréables ni flatteuses. Pour avoir du talent, on ne passe pas à l'état de phénomène qui doit tirer la langue, rire ou pleurer, selon le caprice des gens qui viennent le voir. Quant à moi, si j'étais arrivé à la réputation, j'aurais sévèrement consigné les curieux. On donne son talent au public, on ne lui donne pas sa personne. » Elle n'en dit pas davantage, la porte venait de s'ouvrir et le peintre entrait dans le salon. Au temps où Juliette travaillait au Louvre, elle avait dû se rencontrer avec Erol. Cependant, elle ne se le rappelait point. Souvent, en contemplant le semeur, elle avait cherché à évoquer la figure du peintre. Elle ne l'avait jamais trouvée dans son souvenir. Mais lorsqu'il entra dans le salon, elle le reconnut. Un éclair illumina son esprit. Ainsi, cet homme au teint basané, aux cheveux qui retombaient sur le cou comme des serpents noirs, à la barbe frisée qui n'avait jamais été touchée par des ciseaux, aux yeux scintillants, au visage taillé en triangle, au large front, pointu au menton, c'était Erol. Comment n'avait-elle pas mis le nom du personnage sur cette physionomie bizarre qui l'avait frappée? Pensant à cette image qui, bien des fois, avait passé devant ses yeux comme une ombre fugitive passe sur un mur, elle s'était demandé quel était cet homme, un bohémien, un sarrasin, un gypsy, un tzigane, mais non, un français à coup sûr. Au premier pas qu'il fit dans le salon, il s'arrêta. Lui aussi avait reconnu Juliette. Mais ce moment d'hésitation ne dura pas une seconde. Il s'avança vers les visiteurs et les salua gracieusement de la main. Sa figure, sombre lorsqu'il était entré, s'était éclairée. Ses yeux mornes s'étaient allumés. Juliette fut frappée par la simplicité et la noblesse de son geste. « Je vous demande pardon, dit-il, de m'être fait si longtemps attendre. J'ai cru à la visite de quelque important et je n'ai point interrompu la conversation qui me retenait. » Il montra de sa main étendue la fenêtre à demi ouverte. « Au reste, vous n'avez pas pu faire autrement que d'entendre une bonne partie de cette conversation par cette fenêtre ouverte. Et vous savez dès lors comment j'ai été retenu. Cependant, je tiens à vous dire que, si j'avais su quelles étaient les personnes qui m'honoraient de leur visite, j'aurais abrégé cet entretien avec ma mère. S'il y a eu des torts, dit Adolphe, ils sont à moi, qui n'ai point donné mon nom à la jeune fille qui nous a ouvert la porte. Permettez-moi de réparer cet oubli. Erol étendit la main en souriant. Peut-être pourrions-nous passer sur cette formalité, dit-il, car si je n'ai jamais eu l'honneur de me rencontrer avec vous, monsieur, j'ai le plaisir de voir madame plusieurs fois. Ah, dit Juliette en rougissant sous le regard du peintre. « Mademoiselle Nélis, n'est-ce pas ? » dit-il en continuant. « Sans doute vous n'avez jamais regardé un grand garçon déjà gandé qui venait quelquefois au Louvre causer durant quelques minutes avec son ami Godefroy, que vous connaissiez. Mais le grand garçon déjà gandé ne pouvait pas ne pas remarquer la jeune artiste qui copiait le Richelieu. Ce grand garçon déjà gandé, c'était moi. « Vous avez vraiment bonne mémoire, monsieur, » dit Adolphe d'un ton roide. « Chez nous autres peintres, c'est affaire de profession et de tempérament que cette mémoire des yeux. Mais je n'ai pas seulement celle-là, et si ce n'était pas trop de prétention, je dirais que j'ai aussi celle du cœur. Ainsi, je me souviens avec une très vive reconnaissance que mon tableau du semeur a plu à M. Dalifard, qui n'a point attendu le contrôle de la critique et du jury pour l'acheter. Enfin, je me souviens encore que M. Dalifard est devenu le mari de Mlle Nélis. Et voilà pourquoi je disais tout à l'heure que nous pouvions peut-être passer par-dessus les formalités de la présentation. Maintenant, si j'étais un peu vite, veuillez me pardonner en considérant que je ne suis qu'un paysan, et même plus encore peut-être un sauvage. Tout ce que j'ai voulu dire, c'est que monsieur et madame Dalifard, entrant dans ma maison, ne seraient point accueillis par moi comme des étrangers. Pendant ce petit discours, auquel la simplicité du geste et l'enjouement de la parole enlevaient tout caractère prétentieux, Adolphe, qui d'abord s'était tenu sur la réserve, avait peu à peu perdu sa contrainte. Lorsque le peintre se tut, il lui tendit la main. Il était touché de l'accueil de l'artiste, surtout, il était fier de se voir traité comme un mécène. « Alors, dit-il, supprimons les politesses et abordons-nous comme de vieilles connaissances. Cela me rendra plus facile le sujet que j'ai à traiter avec vous. Me voici tout à votre disposition, » dit Harold en s'asseyant. Adolphe, qui avait pris au sérieux les paroles du peintre Godefroy à propos des précautions dont on devrait entourer les tableaux de prix, commença par expliquer dans quelles conditions le semeur se trouvait placé à Nogent, à la place d'honneur, dans l'atelier de sa femme, lequel atelier était isolé au milieu d'un jardin. Puis il lui raconta la chute du tonnerre sur les arbres, l'effondrement du châssis vitré, enfin la déchirure faite au tableau. « C'est un petit malheur, » dit Harold. « Puisque vous tenez à ce tableau, je vous en ferai une seconde édition. » Juliette prit alors la parole et expliqua qu'il n'était pas indispensable de refaire ce tableau qui pouvait très bien être réparé. « Ce que nous désirons vous demander, » continua Adolphe, « c'est de prendre la peine de venir un jour à Nogent pour le voir, ou bien, s'il vous est impossible de vous déranger, de nous dire où nous pouvons vous l'envoyer. » « Je serai très heureux d'aller à Nogent, » dit Harold, « et cela ne me dérangera en aucune façon. Il m'arrive très souvent, quand j'ai travaillé toute la journée, de partir à pied pour venir coucher ici, car je suis, je vous l'ai dit, un paysan. J'ai besoin de l'air, de la marche, de la campagne et des bois. Si j'habite Paris, c'est bien malgré moi. Un de ces jours, je passerai par Nogent. » « Mais nous ne sommes pas à Nogent tous les jours, » répliqua Juliette, « et nous voulons être là pour vous recevoir. Quel jour y êtes-vous ? Le dimanche. Eh bien, c'est après-demain dimanche. Vous plaît-il de choisir ce jour-là ? Je ne suis pas très pressé en ce moment. Je pourrais vous remettre tout de suite le semeur en état. Quand je dis vous remettre en état, cela n'est pas juste, c'est nous remettre en état qu'il faut dire. Car je considère que bien que le tableau vous appartienne, je ne suis pas sans avoir encore quelques droits dessus, sinon de propriété, au moins de tendresse paternelle. C'est mon premier-né, et je lui porte un intérêt que je ne ressens pas pour les autres. « Vous aviez cependant déjà exposé lorsque vous avez donné le semeur, » dit Juliette. « Oui, mais c'était des tableaux d'école qui auraient pu être signés par un autre tout aussi bien que par moi. Ce n'était pas vu, c'était souvenu et fait de pièces et de morceaux. Le semeur est mon premier ouvrage original. » Après 3 expositions où j'avais offert à l'admiration du public 5 ou 6 tableaux qui étaient de tout le monde, de moi seul excepté, j'ai eu le bonheur de quitter Paris et d'aller m'enfermer dans nos montagnes, loin des ateliers, des critiques et des camarades. « Vous aviez senti le besoin de vous recueillir ? » interrompit Adolphe. « Non, ce n'est pas précisément cela. Ma mère, qui jusque-là m'avait fait vivre à Paris par des prodiges de dévouement, était à bout de ressources et de force. Elle pouvait encore partager avec moi un plat de châtaigne ou un morceau de pain, mais elle ne pouvait plus m'envoyer 50 francs. Je partis pour prendre ma part des châtaignes et de ce morceau de pain, mais à mon insu, la solitude opéra. Ce besoin de recueillement dont vous parlez s'empara de mon esprit. J'avais 24 ans, et je savais de mon métier de peintre tout ce qu'on peut en apprendre. Que faire maintenant ? La fable a raconté l'histoire d'un homme qui s'était trouvé arrêté au carrefour de 2 chemins, l'un conduisant au vice, l'autre à la vertu. J'étais arrivé à ce carrefour, et plusieurs routes s'ouvraient devant moi. Fallait-il prendre celle qui conduit au joli ? Comme produit en argent, en honneur et en succès du monde, c'est la bonne. Tout le long du chemin, on rencontre des marchands et des amateurs qui vous font les propositions les plus alléchantes. Il n'y a qu'à consulter les goûts et les caprices de la foule pour être son enfant gâté. Avec quelques ficelles, avec cette habileté de main qui aujourd'hui appartient à tout le monde, on est sûr du succès. Fallait-il au contraire continuer ce qu'on appelle la grande peinture, et par le chemin de la tradition, tâcher d'arriver à une situation officielle, où le succès, pour être d'un autre genre, est tout aussi certain. Il se trouva que, par hasard, je n'étais propre ni à l'un ni à l'autre de ces rôles. D'un côté, je n'ai aucune des qualités qu'il faut pour réussir dans le monde du joli. De l'autre, il me semble que j'étoufferais dans la tradition. Cela, bien constaté et bien reconnu, je me dis que je m'attacherais à rendre la vie telle que je la voyais. Si j'avais l'œil assez sûr pour aller choisir dans le fourmillement de la vie ce qui est l'art, et si j'avais la main assez habile pour rendre sincèrement ce que j'aurais vu, je réussirais. Sinon, je renoncerais à la peinture et ferais vivre ma mère du travail de mes mains. Ce fut dans ces dispositions que je me mis au semeur, et vous devez comprendre avec quelle angoisse j'y travaillais. Je l'achevais. Il fallait l'apporter à Paris et le faire exposer. La chose bien simple en soi était cependant terriblement difficile. Il fallait 400 francs pour la bordure du tableau et pour mon voyage à Paris. Vous ne savez pas ce que c'est que 400 francs. Moi, je le sais, interrompit Juliette. Enfin, ma mère les trouva. Comment, par quels efforts de volonté et de diplomatie, campagnarde? Ce serait trop long à vous raconter aujourd'hui. Mais je le dirai un jour, car cela fera connaître ma mère telle qu'elle est. Je partis avec 410 francs dans ma poche et mon tableau bien emballé. C'était littéralement la bataille de la vie que je venais livrer à Paris. Ce fut pendant ce séjour que je vous vis au Louvre, madame. Je venais là assez souvent m'entretenir avec mon ami Godefroy, qui, par son zèle et son dévouement, m'a rendu les plus grands services. J'aurais voulu rester à Paris pour voir mon tableau exposé, mais cela était impossible et je repartis pour les Cévennes, après que Reuls eut bien voulu me prêter son atelier. Les 410 francs étaient épuisés, et si bien épuisés que je fus obligé d'abandonner le chemin de fer à Lyon et de rentrer à pied chez ma mère. Ce n'était pas un retour triomphant. Ce fut chez ma mère que je reçus la lettre de Godefroy, qui m'apprenait que sur la recommandation de Mademoiselle Nélis, un riche amateur voulait bien acheter le semeur 6 000 francs. Et ce fut chez ma mère aussi que je reçus quelques jours après les 6 000 francs en 3 lettres chargées. 3 lettres chargées, 6 000 francs pour le fils de la Francine, ce fut le soleil de la gloire qui se leva, et en 10 minutes, j'eus la chance de devenir un dieu pour les gens de mon village. Vous comprenez maintenant, n'est-ce pas, l'intérêt que je porte au semeur, et vous pouvez être certain que dimanche, je ne manquerai pas de parole. À dimanche, alors ?